là. Et moi, sérieusement, vous savez, moi, quand on tue mon chien, ça m'énerve. Ouais, je sais pas vous, on vous a déjà tué votre chien, c'est énervant à fond. Du coup, je vais vous chanter une petite chanson à bord de nouvelle journée. Merci. Alors.